Activité 37. 1. Bonjour monsieur, je voudrais une boîte de chocolat. C'est pour un anniversaire. 2. Quel est le prix d'une enveloppe, s'il vous plaît? 3. Le menu est à 13 €, c'est ça? 4. Est-ce que vous avez un animal noir et blanc? 5. Je cherche des chaussures pour jouer au tennis avec mes amis.